En 8 jours, on découvrit que pendant les 3 derniers mois, il avait fait 15 000 francs de dette. Les créanciers ne s'étaient point montrés d'abord, sachant qu'il serait bientôt majeur. Aucune explication n'eut lieu. On voulait le reconquérir par la douceur. On lui faisait manger des mets délicats, on le choyait, on le gâtait. C'était au printemps. On lui loua un bateau à Yport, malgré les terreurs de Jeanne, pour qu'il pût faire à son gré des promenades en mer. On ne lui laissait point de cheval, de crainte qu'il n'allât au Havre. Il demeurait désœuvré, irritable, parfois brutal. Le baron s'inquiétait de ses études incomplètes. Jeanne, affolée à la pensée d'une séparation, se demandait cependant ce qu'on allait faire de lui. Un soir, il ne rentra pas. On apprit qu'il était sorti en barque avec 2 matelots. Sa mère éperdue, descendue, nu-tête, jusqu'à Yport, dans la nuit. Quelques hommes attendaient sur la plage la rentrée de l'embarcation. Un petit feu apparut au large. Il approchait en se balançant. Paul ne se trouvait plus à bord. Il s'était fait conduire au Havre. La police eut beau le rechercher, elle ne le retrouva pas. La fille qu'il avait cachée une première fois avait aussi disparu, sans laisser de traces, son mobilier vendu et son terme payé. Dans la chambre de Paul, au peuple, on découvrit 2 lettres de cette créature qui paraissait folle d'amour pour lui. Elle parlait d'un voyage en Angleterre, ayant trouvé les fonds nécessaires, disait-elle. Et les 3 habitants du château vécurent, silencieux et sombres, dans l'enfer morne des tortures morales. Les cheveux de Jeanne, gris déjà, étaient devenus blancs. Elle se demandait naïvement pourquoi la destinée la frappait ainsi. Elle reçut une lettre de l'abbé Tolbiac. « Madame, la main de Dieu s'est appesantie sur vous. Vous l'avez refusé, votre enfant. Il vous l'a pris à son tour pour le jeter à une prostituée. N'ouvrirez-vous pas les yeux à cet enseignement du ciel? La miséricorde du Seigneur est infinie. Peut-être vous pardonnera-t-il si vous revenez, vous agenouillez devant lui. Je suis son humble serviteur. Je vous ouvrirai la porte de sa demeure quand vous y viendrez frapper. » Elle demeura longtemps avec cette lettre sur les genoux. C'était vrai, peut-être, ce que disait ce prêtre. Et toutes les incertitudes religieuses se mirent à déchirer sa conscience. Dieu pouvait-il être vindicatif et jaloux comme les hommes? Mais s'il ne se montrait pas jaloux, personne ne le craindrait, personne ne l'adorerait plus. Pour se faire mieux connaître à nous, sans doute, il se manifestait aux humains avec leurs propres sentiments. Et le doute lâche, qui pousse aux églises les hésitants, les troublés, entrant en elles, elle courut furtivement, un soir, à la nuit tombante, jusqu'au presbytère, et, s'agenouillant aux pieds du maigre abbé, sollicita l'absolution. Il lui promit un demi-pardon, Dieu ne pouvant déverser toutes ses grâces sur un toit qui recouvrait un homme comme le baron. « Vous sentirez bientôt, affirma-t-il, les effets de la divine mansuétude. »